finisse en teasant. Toujours frais dans mon style, mon rap est séduisant. 3-80 paradoxe et game over, t'es grillé depuis le départ. C'est rap et arnaque, viens qu'on partage tes têtes des barres. On veut les titis, la victoire pour le collectif, la maille et la graille pour le plaid et la mif. Nos paroles sont ghetto, c'est vulgaire et d'oscra. Impossible de pesto, frère t'as pas le tosma. J'ai pris le mic comme un calache, depuis certains ont la rage, ont la haine de me voir dans la place. T'as passé le beat et la basse, car je fais des hits sans relâche. Mais ils veulent quoi? Peut-être mon chip dans leur as. Moi j'ai la rime qui terrasse, pas pour rap. Faut les gars dans les halls, ça bétave. Tard le soir dans les pions, ça bouillave. On fait du son pour les bras, pas pour ceux qui bavent. Petit la casse toi. Critique mon équipe, on te trip, on te frappe, on te kick, on te nique. Car j'parle beaucoup comme un indique, à bois on te pique. Coup de patte, si t'aimes pas t'écoutes pas. Rien n'a pas du fond, se casse. Pour les gros rap, ça tout bab. On est tous big, à la tafi cool tard. Revendeur, la suite sous les KON ou sous le bas. Non, rien de neuf à part ça. C'est critique, on tourne en rond comme un plastar. On devient fou, car trop nombreux sont ceux qui parlent. On cherche encore ceux qui comme nous ferment leur gueule et font travail. L'atmosphère devient brûlante, j'sens comme une odeur d'essence. La pression est oppressante, calme-toi, écoute dans le game, on rentre sur un son dirty, flow posé et de speed. Dans ma clique, pas tranquille, petit, oh my god, nick, Nesby. Sur nous, toujours pas chronique, sert du son comme un brolic. Notre état d'esprit critique, on veut du rap bordélique. Violente la rime avec style, habilement, moi je kill et imprime mon place en style. Là, j'te crache des phrases par milliers. Ok, c'est critique, même s'ils n'ont plus de crédit, j'décris très vite. Personne ne l'évite, on résiste et peu font crédit, j'prédis. J'précise les prémices du mal, dont les détails sont précis. J'précise, ça très pigne. Agressif, la peu s'apprécie, trop easy. 3-8-0 dans l'oreille à colonel. Si là on met la balle dans leur visage, de ne me crois pas que t'éviteras d'entrer dans l'oreille dans l'arène sans arrêt. Pas de règle, c'est le carnage. Te donne-moi vite une bonne raison pour pas vite te carnage. 3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4 sur les highways. Un tapis dans la poche, tout va mieux. Pour nous, c'est critique, Bavaria et Marisha, mon vieux. Nous fous en l'air, on est les bugs de leur matrice. On est la panne dans la machine, on met les pattes à tous les chiffres. Instant critique, clic, clic. Tu veux de l'inédit, viens faire un tour où on habite. On serre les coudes, tout soudé, touche pas mon crâne. Tu veux me tester, t'es pas rappé, je te passe mon phone. Honnête, mais sans comme un fini, tu es trop rapide comme dans Matrix. Milieu devient critique, je fais le taf, pas besoin que l'article la trique. Pour mes gars fanatiques de la Debza, aussi les victimes. Je fais la chose spéciale, Roya, pour mes gars jusqu'à Blanca Casa. Si du bon, c'est du 380, featuring Colonel Zilla. T'as affaire à des produits co, ici c'est fire, fire. Ok, on te rappelle qu'il faut rapper sans se perdre. Que coûte, faut faire le taf, on s'en bat les couilles si ça paye. Négro, on casse des bouches comme des warriors dans l'arène. Sans arrêt, dans un rêve, on s'en balance grave des règles. Écoute, c'est critique qu'on découpe, mais fou, des coups d'on bouge. T'es ouf, si tout ta bouche sur nous, ou game over. Tu cherches, tu trouves, on te plonge dans le trou. Soit tu meurs et tu t'écroules, soit tu te relèves avec des troubles. 80 paradoxes, Colonel Zilla. Un son qui te scotche, viens de mat ici. Tu vois qu'on est haut, je mets le faux MC. Tu sais qu'on les fauche. Tout le monde kiffe quand on envoie la sauce. Explose les braves, le Gongamos. Plus dangereux qu'un kamikaze quand on pose. Si tu bouges ta tête, c'est normal. Ce morceau, c'est pour ceux qui râlent, qui gassent trop, qui parlent mal. À la recherche du nouveau scandale. Moi, je crache une rafale. Trop ratar, fuck les bâtards, faut les hagar. J'aime la bagarre, toujours al pour la bagarre. C'est le All-Star Game Hoover. T'entends là-bas, c'est le beat, t'as pas de star, c'est zone rouge. 45 sur le microphone de la chapelle à la source. Orléans, on pète le score en bas des tours. La politique c'est critique, comme le ghetto. On rappe et cogite, ça veut qu'écro. Ils nous critiquent tant, ils nous divisent tant. Donc on les baisse tous autant que le cul plus clan. 3-4-20 3-4-20 3-4-20 3-4-20 3-4-20 3-4-20 3-4-20